Retour sur les Melting Pot 2017 qui se sont déroulés du 28 au 30 mars dernier avec deux soirées ouvertes au public, rencontre interscolaire des arts à l'initiative de l'Apostrophe et en partenariat avec le rectorat de l'Académie de Versailles et avec la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Le résultat éblouissant, nous avons assisté à une véritable effervescence collective et créative entre danse et théâtre avec pas moins de 700 élèves qui ont participé à ces Melting Pot 2017 provenant de près de plus d'une dizaine d'établissements scolaires. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. L'action culturelle. Bonjour, je suis Alina Menaï, je suis enseignante de français au Collège Gérard Philippe à Cergy. Et on a un petit groupe de 25 élèves de 4e et 3e en théâtre avec qui on participe au Melting Pot. Première question, quel est l'intérêt pour vous en tant qu'enseignante de participer à ces rencontres interscolaires au-delà de la rencontre entre jeunes de différents établissements, parce que je suppose que ces rencontres, c'est aussi cette occasion-là. Mais là, c'est une rencontre avec des artistes et avec un objectif. Il va y avoir quand même une production au travers de performances de quelques minutes, 6 minutes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'est vivre un moment créatif et il y a une énorme émulation dans la rencontre avec les autres, avec les artistes, dans la mise en danger de se retrouver dans un groupe avec ce qu'on ne connaît pas, avec un artiste qu'on ne connaît pas. Et en 2 jours, ils sont capables de créer. Et c'est ce moment particulier qu'ils peuvent vivre qui les transforme, qui leur apporte quelque chose d'extraordinaire, qui change quelque chose pour eux. Quand vous dites mise en danger, ça pourrait être pris dans le sens où on va renforcer un peu l'appréhension, ça va renforcer la trouille, pour parler simple. C'est l'effet inverse que ça provoque ? Alors ça commence par une grande peur quand on arrive et qu'on voit des gens qu'on ne connaît pas, un nombre de personnes impressionnant, et puis quand on se retrouve avec des gens qui ne sont pas de son âge. Et cette peur, elle se transforme, c'est-à-dire qu'après cette peur, il y a de voir qu'on est capable de créer ensemble, dans notre diversité et dans un groupe qui nous est imposé, avec un thème imposé, qu'on est capable de créer, et après il y a une grande joie, donc il y a une grande fierté qui sort de tout ça. Et c'est-à-dire que ça se prépare à l'avance, ces rencontres au sein de votre établissement ? Oui, ça se prépare à l'avance. Déjà, on est donc dans une résidence d'artistes avec l'Apostrophe, et on est en partenariat déjà avec d'autres établissements, et des fois on fait des rencontres. Et ça se prépare aussi dans la pratique du théâtre, la pratique de l'espace, le rapport à soi et aux autres, d'abord au sein de l'établissement, puis après avec d'autres petits établissements, et ensuite ici, en plus grand. Est-ce un temps à part dans l'année scolaire, ou est-ce que c'est un moment ce qui va être une forme de ressort pour le reste du temps scolaire ? Oui, c'est l'acmé, c'est le point culminant, c'est-à-dire qu'on va vers ça, on le prépare, et puis après ça donne une dynamique, et ça rythme l'année, les élèves qui l'ont déjà vécu, ils l'attendent, ceux qui vont le vivre, on les prépare aussi, et après ça donne une dynamique aussi qu'on utilise. Est-ce à dire que ça peut même influer sur leurs propres résultats scolaires ? En tout cas, ça influe sur leur curiosité au monde, sur leur capacité à dépasser aussi des a priori, à avoir confiance en eux, et donc après sur les résultats, mais en tout cas ça influe sur leur façon d'appréhender l'autre et la vie. On parle souvent, sans forcément bien mettre les bons mots justes, sur l'estime de soi. On sait que l'estime de soi, c'est capital, chez les jeunes comme chez les moins jeunes d'ailleurs, et que la société n'a pas tendance à valoriser tout cela. Au travers de ces rencontres, est-ce que c'est une occasion justement de travailler sur cette estime de soi ? Oui, tout à fait, puisqu'ils voient qu'ils sont capables de créer à partir de rien. Donc ils ont cette compétence-là. Et puis ils arrivent déjà avec quelque chose, dans les cartes de visite, ils montrent déjà quelque chose d'eux, et ils se valorisent les uns les autres pour quelque chose de particulièrement positif. Et donc cette possibilité-là, elle construit l'estime de soi. Je peux faire des choses bien, faire des choses qui permettent aussi de communiquer, je peux offrir quelque chose. Oser, ce qu'ils n'osent pas toujours dans la vie, et c'est aussi que chacun porte un regard peut-être différent sur les autres. Parce qu'effectivement, ils se découvrent peut-être autrement à l'occasion de ces rencontres. Oui, et au début, souvent, il y a des a priori, déjà sur les différences d'âge. Là, par exemple, mes élèves qui sont des élèves de 4e et de 3e, ils auraient préféré être dans le groupe où il n'y avait pas des primaires. Et puis finalement, après, quand on y travaille avec les primaires et qu'ils se rendent compte que c'est chouette ces différences, ça fait avancer aussi. Dans ces tranches d'âge, il y a souvent des sujets tabous autour du corps. le corps qui s'expose. Est-ce qu'il y a justement cette difficulté à dépasser à l'occasion de ces rencontres? Oui, bah par exemple, là, moi, j'accompagne un groupe de danse, et donc il y a beaucoup de questions sur les sensations, et pour eux, c'est difficile de mettre des mots sur ce qui se passe dans le corps, et c'est tout un travail autour de son corps et de l'espace, et puis de mise en mots de ce qu'on vit. Donc la place du corps, elle est importante, et à ce moment-là, elle est travaillée. Dernière question. Pour l'enseignante que vous êtes, on dit aujourd'hui qu'au niveau de la scolarité, il faut passer aux matières les plus essentielles. Sous-entendu, il faut négliger un petit peu tout ce qui serait artistique, culturel. Le rapport, la passerelle pourtant qui est indispensable entre éducation et culture, est-ce que c'est un combat de tous les jours dans les établissements scolaires ? Ma croyance profonde à moi, c'est que c'est par la culture, par l'art, par des projets, par des choses vécues qui peuvent se connecter et que l'envie ensuite d'écrire, de travailler les matières qui sont plus scolaires, elle peut venir après. Mais parce qu'il y a d'abord une connexion et cette connexion, elle se fait par la culture et la rencontre. Pour moi, c'est prioritaire. Merci à vous. Je m'appelle Riwan Ménad, je suis élève de terminale au lycée Montesquieu en option théâtre facultatif. Alors, option théâtre, ça veut dire que vous avez commencé déjà un peu à approcher, on va dire, le monde du spectacle, en particulier le théâtre. Dites-nous un petit peu comment se vit cette deux journées autour de ces rencontres interscolaires des arts. Quel est l'intérêt personnel que vous en tirez, vous aussi ? Alors moi déjà, c'est ma troisième année que je fais le Melting Pot et je suis toujours très content de les refaire. Au bout de cette deuxième journée, une énorme satisfaction qui se retire de la part des gens et même de la mienne en particulier. C'est une rencontre qui a lieu entre déjà deux arts qui sont éloignés, la danse et le théâtre, mais qui font passer la même émotion au même moment. Et le fait de regrouper deux arts plutôt communs dans l'émotion et de séparer les gens en groupe, c'est déjà quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc moi, je fais du théâtre, mais j'aime aussi la danse. Donc tomber dans la danse ou dans le théâtre, ça m'est égal, j'aime les deux. Et une satisfaction quand j'en retire, c'est d'avoir de nouvelles rencontres, en fait, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre et de vivre de nouvelles expériences à chaque fois, de connaître d'autres personnes, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On a bien compris qu'il y a une forme d'esprit créatif. Plus on est nombreux, plus on va apporter ses idées et ça permet à chacun de découvrir d'autres idées, d'oser ce qu'on n'osait peut-être pas faire la fois dernière pour vous, puisque vous commencez à être un habitué de ces rencontres, mais je suppose que chaque année vous découvrez de nouvelles choses. Oui, c'est ça, chaque année en fait on se dépasse de plus en plus et on ne s'imagine pas à quel point les Melting Pot nous apportent dans notre personne et dans notre façon d'être. De plus en plus déjà il y a des petits qui viennent, il y a des collégiens, des primaires, et on apprend d'eux comme eux apprennent également des grands, mais on est avec d'autres comédiens que nos intervenants qui viennent nous voir au lycée, on découvre d'autres personnes qui nous apportent énormément, on apporte aussi également, c'est un vrai échange de culture, d'enthousiasme et de partage en fait avec les gens qui nous entourent dans notre groupe, et on ne dirait pas comme ça, mais ça crée des liens très forts, parce qu'on passe deux journées vraiment ensemble, et voilà quoi, je l'ai toujours dit, pour moi les Melting Pot c'est une coupure dans le temps, c'est deux jours où le temps s'arrête en fait, et on vit ces deux jours avec une forte intensité et une émotion qui est vraiment présente, et c'est juste une joie énorme de vivre ça. En tout cas, on voit bien l'importance que peuvent avoir des rencontres interscolaires comme celle-ci. Ces melting pots, ça vous a un peu transformé ? Mais ça m'a énormément transformé. J'ai toujours été une personne très active, très hyperactive, je dirais même, un peu exubérante. Et ça m'a appris à me calmer. J'ai toujours voulu faire tout en même temps. Et le fait de partager un temps avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même caractère que moi, ça m'a appris à me calmer, à réfléchir sur moi-même, à me poser. On a vraiment des rencontres qui sont très fortes et je pense toujours, quand je reviens faire les Melting Pot, je repense toujours à mes années antérieures qui a pu se passer et je me dis, ah ouais, par rapport à l'année dernière, bah, j'ai appris ça et voir des nouveaux qui arrivent, parce que c'est plus moi le petit nouveau maintenant, c'est ma dernière année malheureusement. Et les gens me demandent, est-ce que c'est bien? Mais oui, c'est génial les Melting Pot, vous allez voir, vous voulez y retourner chaque année, comme disait l'enseignante, on n'attend que ça en fait, c'est chaque année, c'est l'événement qui soude le groupe en fait. S'il peut y avoir des dissolutions dans le groupe, les Melting Pot, c'est le moment de partage qu'on peut avoir dans l'année quoi, une coupure, un temps. Que d'enthousiasme, gardez cet enthousiasme pour la suite, hein, pour l'avenir, votre avenir. Dernière question, vous qui avez de l'expérience de ces Melting Pots, Le temps de représentation, c'est un temps particulier. Comment vous vous y préparez déjà mentalement vous qui avez vécu ces moments, il y a forcément, vous avez eu le droit aux applaudissements, non? Oui, alors le trac est toujours présent, hein, le stress est toujours là parce que on n'a que 2 jours pour préparer un mini-spectacle de 6-7 minutes sur un thème qui nous a été donné. Donc cette année, mon thème, c'est saison 7, épisode 23. Donc un thème assez vaste, donc on ne savait pas par où partir, le comédien n'est pas au courant du thème non plus. Et le trac est là, le stress est énormément présent, mais le fait que tout le groupe vienne sur le plateau ensemble et qu'on voit le public et qu'on se dit bah, c'est les familles de certains, c'est les amis de certains, c'est notre famille, bah, on y va. Et en fait tout le monde se donne sur le plateau et même si aux entraînements, même si aux échauffements et les répétitions d'avant on se donnait pas à fond, il y a quelque chose de magique qui se crée, c'est-à-dire que le groupe, par peur de décevoir et de pas vouloir laisser tomber le groupe, je me donne à 100% et j'ai l'impression que les autres font exactement pareil et ça crée un spectacle qui est magnifique parce que chaque groupe font la même chose et c'est ça qui est beau dans les Melting Pot, d'où le nom, parce qu'on se crée des amis et on sait que l'amitié c'est des liens forts, du coup on revoit ces liens forts sur le plateau et la fin des représentations qu'on a, la fin de ces 2 jours. J'ai l'impression déjà d'entendre les bravos. Merci à vous. Merci. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Maggie Marin, ces melting pots, on les qualifie de véritable effervescence collective et créative. C'est vrai qu'il y a une performance parce qu'il faut produire des petites choses artistiques, 6 minutes de cet ordre-là, et un certain nombre pour être présenté sur une scène dans les conditions où on accueille des artistes à longueur d'année dans ce lieu, dans ce théâtre des Louvrais, sur la scène qui doit les impressionner forcément. Vous, le fait qu'on tisse ce lien, comme veulent les signifier ces melting pots, ce lien entre éducation et culture, pour vous, ça va de soi, parce que dans la société, ça ne va pas toujours de soi, et au contraire, on essaye même d'éloigner de plus en plus le monde de l'éducation du monde de la culture. Pour moi, la culture fait entièrement partie, en fait, de l'éducation, et même, je pense que la question de l'art devrait être bien plus présente, au-delà de la culture même, dans les classes dès l'enfance, en fait, dès la maternelle presque. Donc c'est très très important de signifier, en fait, là on assiste à un événement, disons, puisque je crois qu'il y a plus de 700 élèves qui participent, donc c'est énorme. C'est important de faire signe de ça, parce qu'il y a un travail souterrain qui ne se voit pas et qui est assez peu soutenu malgré tout. Ce travail souterrain que des artistes font en lien avec des professeurs, des enseignants et avec des lieux comme celui-ci pour essayer d'amener, malheureusement pas assez, mais en tout cas cette question de l'invention, de l'imaginaire, de la poésie dans les classes et chez des enfants qui sont encore en pleine construction de leur personnalité, de leur pensée. Ce qui fait sens, c'est de valoriser ce type d'initiative, ce travail, comme vous dites, qui ne se voit pas, qui est souterrain et qui est pourtant existe dans un grand nombre d'établissements scolaires, mais peut-être pas suffisamment soutenu, vous l'avez dit, mais aussi pas suffisamment valorisé, parce qu'on a l'impression que c'est un moment de détente, alors qu'il s'agit bien d'autre chose. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas du loisir, quoi. C'est vraiment l'art, la danse, le théâtre, les arts plastiques engage en fait autre chose que juste un moment de plaisir. Bien sûr, il y a ça aussi, mais il y a aussi l'écoute de chacun, de ceux qui nous entourent, la notion d'espace, la notion de sa propre parole au sein du groupe, la notion d'écoute, elle est très importante aussi. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Donc tout ça, hein, le regard de l'autre sur soi-même, ce sont des choses qui sont vraiment très fondamentales pour la construction en fait d'un individu, d'un jeune, au-delà même de la petite cerise sur le gâteau qui viendrait après les matières importantes qui sont le français, le calcul, les sciences, enfin tout ça. Je pense que c'est vraiment une matière à part entière très sérieuse, mais qui engage le jeu. Et c'est là que peut-être on peut arriver à faire que les enfants ne voient pas l'école comme quelque chose d'un peu rébarbatif. Est-ce que ça peut révéler, est-ce que ça peut transformer un jeune dans son rapport aux autres, dans son rapport à la société, dans sa projection vers le futur? Je pense que ça peut être un déclic. Je pense qu'il peut y avoir une petite étincelle, quelque chose qui s'ouvre à partir d'un petit atelier de 3 heures même. Enfin, c'est toujours mieux que rien, ça c'est évident. Mais bien sûr, ça ne sera pas suffisant. Il faudra bien, après, que cette petite étincelle soit nourrie d'autres choses. Parfois, les enfants le font d'eux-mêmes. Parfois, ils ont besoin d'être aidés par les enseignants, par les parents. Ça peut aussi être un coup d'épée dans l'eau s'il n'y a pas de suivi de ça. Ça ne suffit pas. J'en reviens à votre rôle de marraine. Pour tous ceux et celles qui vont participer au final de ces rencontres interscolaires, je suppose que ça a une importance quand même essentielle, le fait que la marraine cette année soit une dame comme vous qui avez une renommée internationale. Vous ressentez ça ? Non, je ne pense pas que ça ait un impact tellement. Ça a peut-être plus d'impact sur les enseignants, puis sur les gens qui seront là, sur les parents peut-être, ou sur les politiques, que sais-je. Enfin. Après, pour moi, cette expérience est une expérience aussi que je prends à titre personnel, dans le sens où ce n'est pas juste que je suis marraine pour voir ce qu'ils font, mais moi, ça me renvoie aussi beaucoup de choses. Ça m'interroge vraiment, quoi, de voir... ces jeunes qui sont quand même aux prises avec... l'adolescence est un âge incroyablement complexe. Et comment faire pour leur donner la confiance en eux, pour qu'ils osent faire des choses, pour qu'ils soient curieux, ça, c'est des vraies questions. Et ça, c'est le fait d'être présente et de voir comment ça travaille, ça m'apporte à moi aussi beaucoup. Un grand merci, Maggie Marin. Merci à vous. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Moi, c'est Pierre-Emmanuel Longry et je suis danseur pour les Melting Pot. Une expérience dans la vie d'un danseur, c'est forcément une expérience singulière parce que là, on n'est pas simplement dans la représentation, on est presque dans un vrai processus de création avec des participants qui ne sont pas forcément, aucun d'entre eux, des professionnels. Donc là, ils sont tous amateurs dans le sens où ils vont aimer participer à cette expérience. Oui, c'est vrai. Donc le challenge par le nombre d'heures qui est très restreint, c'est de comment fédérer et comment aussi faire adhérer en fait à la proposition tous les jeunes du groupe et pouvoir faire émerger les propositions, savoir mettre en valeur les propositions des jeunes quoi, et de pas arriver simplement avec tout son matériel, ses petits effets et au contraire plonger dans l'inconnu et faire en sorte de les mettre en valeur le plus possible. À cet âge-là, on peut avoir deux options, les idées sont foisonnantes et multiples. Voir sur un sujet, sur un thème, vous allez nous dire sur quel thème vous avez travaillé, là ça sèche, donc il faut être force de proposition. Quelle a été votre approche avec le groupe que vous avez accompagné ? Le plus difficile c'est de commencer je pense, donc c'est vrai que quand on lance une question comme ça à l'envolée sans s'adresser à quelqu'un en particulier, on entend juste les mouches voler. Et justement, l'une des choses que j'ai fait, c'est de mettre à l'aise tout de suite en parlant de mon propre cas ou en essayant de gagner la confiance pour permettre justement à chacun de pouvoir oser dire une opinion personnelle. Et à partir de là, dès que ça commence à se débloquer, c'est vrai qu'il y a tout de suite d'autres personnes qui viennent proposer. Et puis après, on essaye dans le concret, dans l'action. Et c'est en faisant qu'on sélectionne, qu'on garde, qu'on modifie et qu'on construit petit à petit nos 6 minutes. Vous êtes dans ces moments-là artiste-danseur, mais aussi formateur, pédagogue. C'est de multiples compétences qu'il faut réunir en un temps très court. C'est vrai que le plus important, c'est la pédagogie et comment savoir s'adresser aux jeunes pour qu'ils puissent être en confiance et pouvoir se livrer et proposer des idées. C'est un peu justement travailler là-dessus. Après ça, sur le côté danse ou chorégraphie, je pense que l'enjeu est pas de faire quelque chose de super net, etc. Le but, c'est de faire toucher du doigt cette expérience de la scène et ce plaisir de partager ensemble, de vivre quelque chose ensemble et le plaisir de le montrer aux autres. Expérience collective, on comprend bien, ça peut révéler quelques personnalités qui peuvent sortir du lot, qui peuvent se révéler dans des occasions comme celle-ci. Oui, et après, c'est surtout essayer d'équilibrer, parce que certains vont prendre la place, puisqu'on leur laisse la place, d'autres qui, au contraire, vont se faire bouffer, du coup, vont être plutôt à l'arrière. Donc, c'est un jeu de balancier, quoi, où il faut équilibrer pour que chacun puisse y retrouver son compte, toujours dans le volontariat, sans imposer. Pour le professionnel que vous êtes, c'est une expérience, comment vous pourriez la qualifier, pour peut-être à destination d'autres professionnels qui n'osent pas justement vivre de telles expériences? J'étais assez anxieux parce que c'était la première fois que je le faisais. Donc arriver le jour même sans savoir le thème sur lequel on doit travailler pendant 3 heures et se voir une dernière matinée le lendemain pour produire 6 minutes de chorégraphie, c'est vrai que ça fait peur. Donc j'étais arrivée avec mes papiers, j'avais anticipé, gratté, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait proposer, si ça marchait pas, comment anticiper pour trouver un plan B, un plan C, un plan D. Et puis en fin de compte, j'ai laissé tout ça de côté, et c'est surtout être à l'écoute des propositions des jeunes et savoir saisir ce qu'ils nous livrent, ce qu'ils nous proposent, pour pouvoir rebondir. Et c'est plus là le travail, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir les cadrer. On va plus être un architecte qui va cadrer tout ce qui se propose, ou un jardinier, mais jamais imposer comme les jardins à la française, faire plutôt un jardin à l'anglaise où on laisse pousser ces graines-là, mais en les cadrant pour que ça donne une forme. Voilà. Le temps de représentation, car il va y avoir restitution, l'appréhension, voire le trac, sera partagé entre les jeunes qui participent à ces rencontres et les artistes eux-mêmes. C'est sûr qu'on est anxieux, on espère tous que notre groupe va réussir à faire la prestation comme ils l'ont fait à la Générale, où c'est évidemment bien passé. Mais après ça, le spectacle leur appartient. Donc c'est à eux de le faire grandir et de le faire vivre. Donc à partir de là, ça ne nous appartient plus et il faut le faire confiance. Voilà. Merci, merci à vous. Pour toute information et pour toute réservation concernant les différents spectacles qui vous ont été proposés et présentés au cours de cette émission, vous composez le 01 34 20 14 14 ou bien encore le www.net. Remerciements à tous nos invités et intervenants, ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique. Émission préparée et animée par votre serviteur et animateur José Guérin. Émission qui sera rediffusée samedi prochain, samedi 15 avril, de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, c'est pour le mois prochain, le mercredi 10 mai, de 19 à 20h. D'ici là, j'espère vous retrouver sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net, mais également à l'apostrophe à Sergi Pontoise. Bonsoir à tous. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Sergi-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.